Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, nous faisons le flop cruise du pire film. Par deux. Flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, cruise. Donc Serena, la suite des pires films. Bah, la là, cette suite fois-ci, ou c'est le parallèle. Ouais, quoi, le... Oui, c'est vrai que ça va pas être... C'est la suite. Bah, voilà, moi aussi j'avais quelques mentions spatiales, mais c'est pas exactement le même. C'est, okay. C'est marrant, c'est intéressant. Alors, Vanilla Sky, Cocktail, au revoir, merci. Allez, bye, Rock ouais. Forever aussi, je dirais. Adios, muchachos. Ah, une petite tendresse pour... Ouais, mais franchement, mais... il est mauvais. Oui, c'est mauvais. Après, on est d'accord, voilà. C'est mauvais. Au numéro 3, j'ai mis Jerry Maguire, figure-toi. Ouais. Bah, oui. Je l'ai vraiment détesté. Je m'attendais beaucoup, parce qu'il est quand même... C'est... Oui, c'est culte, c'est machin. J'adore les comédies romantiques. Tom Cruise, je me dis, il est quand même pas mal là-dedans. Et en fait, c'est... naze. C'est toxique le de fou. Pire film, le pire rom-com que j'ai jamais vu. Vraiment, aussi pourri. Ah oui, moi ça, j'ai hésité, ça a failli être dans le top 3. Mais, top 3. De toute façon, les deux films de Cameron Crowe avec Tom Cruise, ça dégage. Adios. Ah, ouais. Sans rancune. Au numéro 2, j'ai mis Lusinite aussi. Ouais. Ah, c'est vraiment mauvais. C'était quand même... C'est mauvais. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Bon. On a déjà dit mauvais. Ouais, rien à sauver. Rien à sauver. Un autre monde que je veux plus jamais revoir, quoi. Oui, et puis après, l'avantage, c'est que personne, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, mais voilà. Non, mais quand même, c'est particulièrement. Ouais, c'est pas bien. Et number one, moi, je reste un peu accroché à ce truc, mais c'est quand même Valkyrie. Ouais. J'y ai pensé. Vraiment mauvais. C'est vrai que Cocktail aussi, j'ai hésité un moment, mais Cocktail, il y avait quand même quelque chose qui, malgré tout, ça pouvait m'entretenir. Valkyrie, vraiment, j'étais fatiguée. J'ai failli m'endormir 50 fois. C'est pénible, quoi. Et puis, c'est un film qui sert vraiment à rien. Il n'y avait aucun intérêt de le faire, ce film. Rien. Voilà, donc mon flop, flop cruise. Bon bah, on a un total d'à peu près une dizaine de films. Quand ouais, même. Là, c'est bon. Et après, c'est vrai que là, c'est pratique. Hein. Vous écoutez les deux petites parties sur les pires films. Comme ça, au moins, c'est réglé. Tout est fait. Bon, bah, du coup, on se retrouve demain. Cette fois-ci, on va peut-être parler de trucs un peu meilleurs. Plus sympa, quoi. Ouais, allez, à demain. À demain.